بسم الله الرحمن الرحيم. الدعوة السلفية تقدم لكم des points importants des gens de la Jahiliya que nous avons constaté chez les maftoun du Hizb al-Jadid et ceux qui les secourent et ceux qui les suivent. Ces masses de la Jahiliya sont présentes chez ces gens-là. Par Abu Taymiyyah Khalil al-Mutaniki, hafizahullah ta'ala. Innal hamdalillah حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد. طيب nous allons poursuivre inshallah dans la deuxième partie de ce sujet qui est les masailles de la jahiliya présentes chez les maftoun et les hizbi. Dans la première partie nous avions pris 9 points principaux regroupant chacun des masailles de la jahiliya. On avait pris al-furqa, la division qui regroupait deux mas'alas. On a pris le taqlid, qui regroupait deux mas'alas. On a pris le roulou, qui regroupait une seule. On a pris le ta'assoub, ou adam et insaf, qui est le fanatisme et le manque d'équité, qui regroupait quatre mas'a'il. On avait pris l'irtijaj et malis abi hujja, qui pointe comme argument ce qui n'en est pas, qui comprenait 9 mas'alas. On avait pris l'iktida bimanis abi kudwa, qui suivait les mauvaises personnes, ce qui incluait deux mas'alas. On avait pris al-inad wa isbat al-batil wa rad al-haq, l'obstination qu'ils affirment le faux et refusent la vérité, qui regroupait une mas'ala. On avait pris al-tanaqud, la contradiction qui elle regroupait 8 mas'ala. On avait pris al-fakhr al-iftikhar bi-haq ou bi-ghayrihi, l'avantardise qui elle regroupait 2 mas'ala. Et là il nous en reste 5 points principaux à prendre, inchallah nous allons les finir. Le premier de ces grands points, venir pour finir, qui est al-zulm wal-bari wal-kazib, l'injustice, les fausses accusations et le mensonge. Donc Allah Ta'ala, inna Allah ya'muru bil-adl wal-ihsan wa ita'i zil-qurba wa yanha 'anil fahsha'i wal-munkar wal-bari ya'idhukum la'allakum tadhakkarun. Que certes Allah ordonne à la justice et à la bienfaisance et les liens de parenté, il interdit les turpitudes et le blâmable et l'injustice et vous exhorte afin que vous vous rappeliez. وقال تعالى والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا واثما مبينا. Et que ceux qui ont offensé les croyants et les croyantes parce qu'ils n'ont pas accompli ont certes forgé un immense mensonge et ont porté un grand péché. Donc là ça inclut comme mas'ala al-hadiya wa tis'un qiyam mujtama'ihim ala al-baghi, que la société des gens de la jahiliya était bâtie sur l'injustice. Donc eux également dans cette fitna, toute celle-ci est bâtie sur l'injustice du début à sa fin, de A à Z. Zulm, mahz. Ce qui inclut la mas'ala, al-thalitha wa sittun. Al-thalitha wa sittun, iftira al-kazib ala Allah. Qu'il forge des mensonges sur Allah subhanahu wa ta'ala. Ces gens-là mentent sur la vérité, sur les gens de la vérité, au nom de la religion. Bismuddin. Par exemple, comme cette accusation ahurissante rapportée de Sharabir par Abu Abd al-A'la, Khalid al-Misri, qui a rapporté que Sharabia avait dit que Shayah était devenu millionnaire en détournant les fonds versés pour les combats contre les Houthis. Les redoutes ont été propagés et nous n'avons pas eu d'écho qu'il se soit innocenté de cette parole. Qu'ils accusent de roulou, d'insulter les savants, de diffamer le prophète sallallahu alayhi wa sallam, les sahaba, de cautionner les croyances des gens de la bid'a d'un tachat de doute qui n'est pas légiféré à l'Azalika. Mais si vous regardez bien, en réalité, si on devait croire tout ce que disent ces gens sur le Hajjouri, cet homme mériterait plus d'être classé comme étant un Rafidi qu'un Haddadi. Fialan. On lui met au défi de dire que c'est un Rafidi, ce qui inclurait son takfir. Et à la base, insulter le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, insulter les Sahaba et les diffamer pour leur religion, cela inclut le takfir à la base. Taïb. المسألة كذلك التاسعة عشرة قدحهم في بعض الصالحين بفعل بعض المنتسبين إليهم. Qu'ils diffament certains des gens pieux pour des actes commis par ceux qui s'apparentent à eux, ou qui les suivent, ou qui les aiment, ou qui les défendent. الرابعة وتسعون أن دينهم أخذ الرجل بجريمة غيره. Que dans leur religion, qui est la 94e مسألة, qu'ils font subir la sentence qui vont subir à un homme la sentence d'un crime commis par autrui, d'une faute commise par autrui. والخامسة وتسعون تعيل الرجل بما في غيره. Qui critique une personne pour une chose présente chez quelqu'un d'autre. Donc là, vous connaissez toutes leurs divagations qu'ils accusent de dire « Imam al-Thaqalayn » alors que vous savez très bien qu'aucun talib ne l'a dit. Cela est venu d'un poète qui est venu, c'était un ami, il était de passage, il a fait sa qasida, Cheikh n'a pas fait attention, et après ils sont mis à dire à tout, partout que à Demej, on dit que Cheikh c'est Imam al-Thaqalayn. Là, ça là, a déjà été réfuté. Et ils accusent Cheikh de choses qui ont été faites par cet oulève. Ou même des gens qui n'ont rien à voir avec Demej, qui sont loin, en France ou ailleurs, en disant « vous, vous, vous ». Il se peut que certains de ces gens-là aient fait des choses que nous-mêmes nous blâmons. Ou il se peut que certains toulèbes ont fait des choses que Shayahel lui-même a blâmées et n'a pas été d'accord. Cependant, lui, quand il conseille ses toulèbes, il le fait bi-rifq, bi-houdou et sakina, en espérant que le talib revienne de son erreur. Et là, c'est ce qui se passe en général. Donc, toute erreur d'un talib de là-bas, il l'attribue à Shir directement, qu'il cautionne, qu'il est d'accord, qu'il est derrière, que c'est lui qui a induqué, qui nous a induqué à agir de la sorte, qui nous a inculqué cela, ou à l'évalika. El mas'ala, Sadissa ou Setouni, il y a un désordre dans le classement que j'ai fait, car j'ai pris un copier-coller depuis la Maktaba Shamila du livre pour mettre sur la feuille, et le classement n'est pas le même, donc il se peut qu'il y ait un décalage, mais toutes ces masales sont présentes dans le livre à la base, et celui qui suit le livre, et Dorous, Inch'Allah, les retrouvera toutes. Un Hamshi, c'est le titre, pas le numéro de la masala, mais le titre de la masala. Fakol, Ramihim, Iyahum, Bidifsed, Fil Ard, qui les accuse de semer la désordre sur terre. C'est-à-dire que ces gens-là, leur ressemblance, c'est qu'ils accusent les gens de Demej d'avoir semé le fasad sur terre. À tel point qu'ils ont décrété que la cause des attaques des Houthis sont la cause de nos péchés. Et qu'est-ce qu'ils disent par là, par les péchés? Ils visent justement les critiques qui ont été émises sur les gens de l'Era. Des péchés, comme on le dit tout le temps, on en a, bila shek, wala raib. Et que Allah spontané nous a éprouvés pour nos péchés. Mais ce que eux, ils visent autre chose. Ils visent par là le fait qu'on ait parlé sur des gens de l'erreur. C'est pour cela que Allah spontané nous a puni en envoyant les Houthis sur nous, comme Sharabi l'a dit lui-même en jurant par Allah, et que d'autres gens l'ont dit. Al-Mas'ala, Sadisa wa Sittun, Ramihim Yahum bitabdil ad-Din, qu'ils accusent d'avoir changé la religion. Comme par exemple le fait qu'ils prétendent que Shah Yahya a changé la méthodologie du Merkez de Demej après Shah Mokbil, qui n'a pas suivi les directives de son testament. Taïeb, également, ils avaient même dit que l'ordre, lorsqu'il y avait les attaques des Houthis, comme ce fut le cas de Zak al-Utaybi, qu'il avait dit que la sécurité et l'ordre ne reviendront pas à Demej tant que les Demejites n'expulseront pas les Hajouri de Demej. Et pourtant, bah regardez, comme vous le savez, Shayaha aujourd'hui est à Mecca, bifadlillah ta'ala, et les problèmes se sont poursuivis et ont même agrandi. Donc, quelle est la solution au problème? Ce n'était pas les Hajouri. Tout ça, ce sont des mensonges. Est-ce qu'ils ont fait Toba? Rien du tout. Pour eux, ils peuvent dire, ceux qui veulent, c'est gratuit, accusé, propager, diffuser, inventer, et une fois que la chose se révèle être fausse, il n'y a pas de Toba, il n'y a pas de retour, il n'y a rien du tout. Oum Fokal Toba, ils sont au-dessus de la Toba, ces gens-là. Voilà, Azbillah. Al-Masala Thania Badalmiya. Ittihamuhum li al-Iman finiyatihim wa maqasidihim. Qu'ils accusent les gens de la foi, c'est-à-dire les gens de la Jalia accusent les gens de la foi, dans leur intention. Ils remettent leur intention en doute, ainsi que leur but et leurs objectifs. Et ça, comme l'a fait Sharabi en disant que Shayahia considère le Hisar, le blocus, comme étant un ni'ma. Comme s'il savait ce qui est dans le cœur de Shayahia. Ou également dans sa Muqaddima de son livre, où il réfute Shayahia, soi-disant, dans son livre sur le Mafari des Sahaba, dedans il dit que Shayahia prétend aimer le livre d'Allah et la sunna de son messager, sallallahu alayhi wa sallam. C'est-à-dire là, on remet carrément en compte ton islam. Car celui qui n'aime pas le Coran, qui n'aime pas la sunna, ce n'est pas un musulman. Regardez à quel stade ces gens y vont. Al-Mas'ala, Al-Tasya wa Al-Khamson. Talqib Al-Huda Bil-Alqab Al-Munafira. Qui est la 59e Mas'ala. Qu'ils attribuent des sobriquets, des surnoms aux gens de la guidée pour faire fuir les gens d'eux. Par exemple, Haddadi, Hadjurit, Hajawira et Ghayr Zalika. Toujours, parmi les principaux points qu'il y a, Al-Makro, qui est le complot. Qala ta'ala, wa makaru makaran kubbara. Dans le sens où Allah dit qu'ils ont mis en place un grand complot. Ce qui inclut al-mas'ala, al-sadisa wa sab'un. Al-makru al-kubbar kafir qawmi Nuh. Qui est le grand complot comme l'ont fait le peuple de Nuh, alayhi salam. Et vous le savez que toute cette fitna n'est bâtie que sur le complot et de la tromperie pour faire tomber cette da'wah mubaraka. Même pas besoin de détailler, c'est une chose qui est claire pour les gens qui ont compris. Thumma, parmi les grands points, at-talbis wal rish bi ism ad-din wal ilm, qui est la tromperie, la tricherie, et tout ça au nom du din ou du ilm, de la science. Qala ta'ala wa minhum la fariqan yaluna al-sinatahum bil kitab litahsabuhu min al-kitab wa ma huwa min al-kitab wa yaqulun huwa min 'indillah wa ma huwa min 'indillah wa yaquluna lillahi al-kadhib wa hum ya'lamun. Et parmi eux un groupe qui tourne leur langue avec le livre pour faire croire aux gens que cela fait partie du livre, c'est-à-dire d'Allah, alors que cela n'en fait pas partie. Ils disent que cela provient d'Allah, alors que cela ne vient pas d'Allah ce matin-là. Ils disent sur Allah le mensonge. Et ils profèrent le mensonge sur Allah alors qu'ils savent. Encore la ta'ala, يحرفون الكلمة عن مواضعي ونسوا حظا مما ذكروا به ولا تزال تطلع ولا خائنة منهم إلا قليلا منهم. Qu'ils déforment les paroles de leur contexte et oublient une part de ce qui leur a été rappelé. Et tu ne cesses de voir d'eux de la trahison à part très peu d'entre eux. Ce qui inclut comme masa'il. Al-Sadisa ou Al-Ishroun. Tahrif al-Taballah badma akuluhu wa hum ya'lamun. Badma akuluhu wa hum ya'lamun. Qui est la 26e mas'ala, qu'il déforme le livre d'Allah subhanahu wa ta'ala, qu'il le modifie après qu'il l'ait compris alors qu'ils savent. Ce qui inclut al-Mas'ala al-Sabi'a ou Al-Ishroun. Tasnif al-Kutub al-Batila wa nisbatuha illa Allah subhanahu wa ta'ala. Qui est la 27e mas'ala, qu'ils écrivent de faux livres en les attribuant à Allah subhanahu wa ta'ala. والمسألة كذلك السابعة والخمسون تحريف الكلام عن مواضعه qui est la 57e مسألة qui sortent les paroles de leur contexte. Et ça vous l'avez tous vu également, qu'ils changent les paroles des savants, les mettent hors contexte pour arriver à leur but, ou qu'ils coupent les paroles des gens pour arriver à leur but. Et ça c'est la manière de faire des Yahoud. Ils écrivent de faux roudoud, plein de tromperies, faisant croire qu'ils sont ilmi et dupent les ignorants. Comme Araf et Arafat, مثلاً, dans son Furud, Al-Fawri sur Shayahya, ou même Sharabia avec son dernier livre là en deux volumes. Et Shayahya, alhamdoulilah, a répondu et a bien démontré que ce livre, ce n'est juste, ce ne sont que des artifices, il n'y a rien dedans. Et la preuve, tu vois les gens ignorants montrer ce livre en disant Sharabia, il l'a réfuté, ils ne comprennent même pas ce qu'il y a dans le livre. Ils ne comprennent même pas ce qu'il y a dans le livre. Voilà, Azubillah. Qala al-Shaykh al-Fawzan, Hafizallahu ta'ala. فكل من حرف كلام الله فإنه على مذهب الجاهلية. Toute personne qui déforme les paroles d'Allah est sur la voie des gens de la jahiliya. وأهل الباطل والمخالفين للإسلام من فرق الضلال منتسبة إلى الإسلام تحرف النصوص. Et que les gens du faux et qui s'opposent à l'islam parmi les sectes égarées même qui s'apparentent à l'islam altèrent les textes. لتوافق مقاصدهم ومذابهم سواء حرفوا بالألفاظ أو حرفوا المعاني أو فسروها بغير تفسيرها فهذا من ميراث أهل الجاهلية. Donc il dit tout cela pour que cela coordonne et coïncide avec leur but, leurs objectifs et leur doctrine. Et peu importe que ce soit cette altération au niveau des termes ou des sens ou des fausses interprétations, tout cela est une chose qu'ils ont hérité des gens de la jahiliya. Et ça redoute dans son plein. Ou même, des fois, ça ne vend pas, ils disent, regardez, Cheikh Foulen, comme ce fut le cas de Cheikh Fawzan, il a réfuté Cheikh Yahya, مثلاً. Alors, ça n'a rien à voir. Ils sortent la parole de Cheikh Fawzan hors de son contexte. Pour qu'elle arrive à leurs objectifs, faire peur aux gens, faire croire que même Cheikh Fawzan est avec eux. مثلاً. طيب. Al-Mas'ala كذلك الرابعة والخمسون. Al-Iqrar bil-haq li yatawassalu bihi ila daf'ihi. Qui est la 54e Mas'ala, qu'ils reconnaissent en apparence la vérité, pour pouvoir mieux la repousser par la suite. Minhum, certains d'entre eux, à la base, sont des hizbis infiltrés. Ce ne sont pas des gens qui ont viré. Ce sont des gens qui, à la base, ne sont même pas salafis. Et ils sont rentrés dedans, dans ses rangs, pour la détruire de l'intérieur. T'en as d'autres qui acceptent les règles du Menhaj pour les appliquer faussement contre leurs opposants. C'est-à-dire, ils reconnaissent la règle, mais l'appliquent par la suite contre leurs opposants en la mettant hors contexte. Comme le fait, par exemple, de ne pas écouter le Moubtadir. T'en as, tu viens leur voir, tu leur dis, écoute, je vais t'expliquer. Ils disent, non, j'écoute pas le Moubtadir. On dit, c'est vrai, faut pas l'écouter. Mais à la base, pourquoi tu veux pas écouter toi? Tu veux pas écouter parce que tu as peur d'entendre le, il y a un des arguments qui te prouvent que tu as tort. Tellement, certains d'entre eux se sont pris de fougue et se sont avancés à parler qu'aujourd'hui, il leur est difficile de revenir en arrière et de reconnaître leur tort. Car ils ont trop parlé. ils sont trop emportés. Et cela pas pour Allah et par science, et par fougue et par ta'assoum. Et lorsque la vérité leur apparaît, c'est très très dur de revenir en arrière, d'admettre que tu avais tort. Il est men, rahmahullah. Tayyib. Min hadhihi al-masa'il kadhalik as-sadisa wal-khamsun. Tasmiyat ittiba' al-islam shirkan. Qui est la 56e masala, qu'ils appellent le fait de suivre l'islam comme étant du shirk. Les gens de la jahiliya, ils font ça. Et ben eux, qu'est-ce qu'ils font? Ils appellent la salafiyya haddadiyya. Ou, ce qui est jarh wa ta'dil, ou la nasiha, ils nomment cela comme étant des insultes et une diffamation envers les savants, envers les gens. Taïb. Ce qui inclut, al-mas'ala, al-thalisa achar, ba'd al-mi'a, libs al-haq bil-ba'atil, qui est la 113e mas'ala, qu'ils recouvrent la vérité par le faux. Et ça veut dire qu'ils ont rapporté des paroles véridiques de savants, mais les mettent hors contexte, pour arriver à leur but qui est de diffamer notre chair. Ils prennent de la vérité, pas même, et la mélangent au faux comme ça. Quand cela te vient, on te dit telle chose est vraie, telle chose est vraie, telle chose est vraie, et le faux, tu ne le vois pas et te le place à l'intérieur. Pour te duper. Al-Mas'ala également, al-Rabi'a Achar, Badal Mi'a, Kitman al-Haq, Ma'al Ilmi Bihi, qui est la 114e Mas'ala, qu'il cache la vérité tout en le sachant. Par exemple, le forum Sahab, dès qu'ils étaient découverts sur un sujet, ils le retirent aussitôt. Mathalan. Des choses ont été démontrées. Quand on réfute une parole qu'ils avaient dite auparavant, ils la retirent aussitôt du forum. Mathalan. Ou carrément, également, qui cachait le hel de l'Wasabi, ou de Mohamed el-Imam. Car eux-mêmes le disaient, comme l'a dit Hani Bouraïk. J'ai 25 ans de dossiers sur eux. C'est-à-dire, ça fait 25 ans qu'ils les connaissent, ils parlaient pas. Donc ils cachaient cela avec science. C'est-à-dire que lorsque les gens de Damaj dévoilaient, eux ils cachaient. Taïb. On poursuit. Autre gros point. Qui est Al-Jahlu wal-Kalamu al-Allahi bila-ilm. Qui est l'ignorance qu'ils ont en eux et les paroles sur Allah qu'ils profèrent sans science. Qala ta'ala wala tas'alni ma lisa laka bi ilm inna u'idhuka an takuna min al-jahilin. Que Allah s'en parle dans le sens où il dit ne me demande pas ce dont tu n'as pas de connaissance. Et je t'appelle à ne pas être du nombre des ignorants. وقال تعالى ولا تكف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. Et ne recherche pas ce dont tu n'as pas de science. Car certes l'ouïe et la vue et le cœur, tout cela seront interrogés. Et nous disons que même si certains d'entre eux sont affiliés à la science, qui ont le statut de savant, le fait de ne pas appliquer cette science ou de la contredire amène à ce que s'applique sur toi le terme jahil. Comme dans le verset, يقول الله سبحانه وتعالى قال ربي السجن أحب إلي مما يدعونني إليه وإلا تصرف عني كيدهن أزب إليهن وأكون من الجاهلين. Que Youssouf, qu'est-ce qu'il a dit, alayhi salam, Allah dans le sens qui rapporte de lui qu'il a dit au Seigneur, la prison m'est préférable à ce à quoi elle m'appelle. Et si tu ne détournes pas de moi leur complot, je pencherai pour elle, je serai alors du nombre des ignorants. Cheikh Al-Uthaymeen, dans ce verset, il a dit quoi? Que la personne qui tombe dans le mal, en sachant que ce qu'il fait c'est un mal, est un ignorant. Pour preuve de ce verset. Même s'il sait ce qu'il fait. Wa qala kadhalik, Cheikh Al-Uthaymeen, toujours dans Kitab Iqtida' as-Sirat al-Mustaqim, en ta'liq dans le calendrier de Cheikh Al-Islam, il dit فَمَنْ خَالَفَ الْحَقَّ فَهُوَ عَنْ جَهْلٍ أَوْ عَنْ جَهَالَةٍ فَإِنْ كَانَ لَا يَدْرِي فَهُوَ عَنْ جَهْلٍ وَإِنْ كَانَ يَدْرِي لَكِنْ خَالَفَ عِنَادًا فَهُوَ عَنْ جَهَالَةٍ. Il dit celui qui s'oppose à la vérité. Alors c'est soit par ignorance ou soit par grande ignorance. Celui qui s'oppose au haq sans le savoir, on dit ça c'est jahl, c'est l'ignorance. Mais celui qui le sait et qui s'y oppose par obstination ou pour autre raison, et il sait que ce qui s'oppose au haq, ça c'est un jahala. C'est une plus grande ignorance encore. Donc le savant qui applique ou qui agit de la sorte, on peut dire de lui que c'est un jahil. Sur ce point-là. Ce n'est pas dans l'absolu, mais sur ce point-là, on dit que c'est jahil, ce qu'il fait. Les masels qui en découlent. Arabi'a wa sab'un. Da'wahum annas ila dhalal bi'il ilm. Qui est la 74e mas'ala, qu'ils appellent les gens à l'égarement sans science. المسألة الخامسة عشر بعد المئة. قاعدة الضلال وهي القول على الله بلا علم. La 115e mas'ala, qui est la règle d'égarement, qui est la parole sur Allah sans science. Ces gens-là parlent de choses qu'ils ne connaissent pas pour prendre les gens avec eux. Ils parlent de l'jah ou ta'adil, là on parle surtout des suiveurs. Alors qu'ils n'y connaissent rien du tout, ce n'est que quelques affaires de salaf ou de savants qu'ils placent en contexte. Et on dira même que beaucoup d'entre eux ne parlent même pas l'arabe. Ce n'est pas aïb, il y en a plein de frères qui ne parlent pas l'arabe. Mais tu les vois ensemble des sujets, quand même, sans langue arabe, je ne sais pas d'où ils ont pris. Si ce n'est que le fait qu'ils ne font qu'en répéter ce qu'on leur a inculqué. Mais ils ne comprennent pas ce qu'ils disent. Comme Mas'ala également, que cela inclut, Al-Khamisa wa Sab'un. Da'wahum yahum il-kufri ma'al-ilm. Les gens de la Jahiliya, qui est la 75e Mas'ala, qu'ils appellent les gens au kufr, tout en sachant qu'ils appellent les gens au kufr. Et eux, pareil, ils appellent les gens à leur tahazzub, à leur égarement, en sachant parfaitement ce qu'ils font. Al-Mas'ala at-tasi'a'asha ba'd al-mi'a. Mukhasamatuhum fima laysa lahum bihi ilm. Qui est la 119e Mas'ala, qu'ils débattent, quand même, et polémiques, lorsqu'ils n'ont pas de connaissances. Ça, c'est le cas de beaucoup de leurs suiveurs. Lorsqu'on les met au pied du mur, des erreurs, ils viennent avec des règles de leur tête, ou sortent des règles de leur contexte. Tu vois ceux qui sont les plus malins d'entre eux, les plus prudents, et qui ont plus de sens qu'eux, se taisent. Parce qu'ils savent qu'ils vont se faire bloquer. T'en as plein des doigts parmi eux. Jusqu'à présent, ils n'ont pas parlé. Car ils savent que si jamais ils parlent, ils risquent d'être contraints à des règles auxquelles ne pourront s'opposer. Donc ils ne parlent pas. Mais les plus ignorants parmi eux se précipitent et parlent. Et inventent des règles lorsqu'ils sont bloqués. Ah, ben. Et le dernier et principal point, principal point, qui est l'aboutissement de tout cela, huwa asad an sabilillahi udwanan. Qu'ils obstruent le sentier d'Allah en toute injustice. Qala ta'ala, qul ya ahl kitab, lima tasudduna an sabilillah man amana tab'unaha iwaja wa antum shuhada wa ma Allahu bighafilin amma ta'malun. Dit aux gens du livre, pourquoi donc vous obstruez la voie d'Allah subhanahu wa ta'ala à ceux qui y ont cru? Vous la rendez tortueuse alors que vous êtes témoins et que Allah n'est pas inattentif à ce que vous faites. Cela inclut comme masa'il المسألة العاشرة بعد المئة اعتداؤهم على دعاة الحق qui est la 110e masala qu'ils s'en prennent à ceux qui appellent à la vérité aux prédicateurs véridiques qui s'en prennent à eux injustement المسألة الثانية وستون كونهم إذا غربوا بالحجة فزعوا للشكوى للملوك qui est la 62e masala du fait que lorsqu'ils sont vaincus par les arguments qu'est-ce qu'ils font? Ils se tournent vers les gouverneurs, les autorités, pour porter plainte contre leurs opposants. Qui a fait cela? Al-Jabili l'a fait, en disant « Je me démège de se servir des autorités pour sortir Al-Hajuli de Dammaj. » Ou les Assad de Ferkos, ils l'ont fait aussi avec Abu Hatim, fil Jazair. Ils ont pris l'autorité pour s'en prendre Abu Hatim. Et les Assad de l'Adani, dans la fitna au début, ont menacé des frères s'ils parlaient de les mettre en prison. Et ça, c'est présent dans l'importance à la Bayen, pour celui qui veut revenir. Lorsque ces gens-là n'ont plus d'arguments, ils utilisent la force. Taïe. Wa akhil mas'ala, ya al-hadia wa ishroun ba'd al-mi'a. Sadduhum an sabilillahi man amana bih. Qui est la 121e mas'ala, qu'ils obstruent le sentier d'Allah pour ceux qui y ont cru. Et ça, c'est le principal objectif sur lequel ils sont tous alliés et sectarisés alors qu'ils sont au fond d'eux-mêmes divisés. Comme leur mise en garde contre le fait de la Dammaj à tout prix. Alors Dammaj, c'est la citadelle de la Salafia, du moins à l'époque où Dammaj était encore le lieu d'abri des Toulab. Également, dans tout merkez lié à cette da'wa, ou qui la défendent, ils mettent en garde. Tout da'i qui défend cela, ils mettent en garde. Et violemment. Et brutalement. Pour eux, la pire des choses, c'est la Dammaj. C'était d'aller à Dammaj ou d'aller dans les lieux qui s'y rapportent. Ou chez Al-Hajuri. Ou chez ceux qui le défendent. Ils préfèrent te laisser aller étudier dans une jamia, université islamique qui pullule de Hizbi, qui sont sous le contrôle des Hizbi. Cela, c'est pas trop grave pour eux. Même ils t'y appellent. Ou que tu aies étudié dans une université dans laquelle il y a de la mixité, de l'irtilat, même avec des femmes mutabarrijat. Comme l'a autorisé Ubay al-Jabiri. مثلا وكم لو في لو ميم فيركوس على خروبه الجزائر il le fait lui-même. Ou d'alors aller en Égypte chez des menteurs muta'alimin qui laissent apparaître ce qu'ils n'ont pas. Qui se font passer pour ce qu'ils ne sont pas. Mais aller chez les hajjouli, pour eux, c'est inadmissible, intolérable, c'est la pire des choses. Alors que ces gens-là prétendent vouloir conseiller et mettre en garde contre les égarements et transgressions, leur façon de conseiller est comparable à celle de Pharaon. Lorsqu'il a dit à son peuple, « Quand les Pharaon, « Ma ulikum ila ma ara, wa ma ahdikum » Illa sabil al-rashad. Que Philon, dans le sens, il a dit que je ne vous montre que ce que je vois. Et je ne vous guide qu'au chemin de la droiture. Je ne fais que vous appeler au chemin de la droiture. Alors que, à l'inverse, qu'est-ce qu'il faisait? Il appelait les gens à l'adorer. Wallahazabillah. Donc là, c'était les masa'il qu'on a fini aujourd'hui par rapport à ces gens-là. Le tachabour qu'ils ont avec les gens de l'Ejahiliya. Et principalement, al-kitab. هنا نكمل بكلام الشيخ الإسلام ابن تيمية قال إن كفر اليهود أصله من جهة عدم العمل بعلمهم فهم يعلمون الحق ولا يتبعونه عملا أو لا قولا ولا عملا وكفر النصارى من جهة عملهم بلا علم فهم يجتهدون في أنصاف العبادة بلا شريعة من الله ويقولون لله ما لا يعلمون ولهذا كان السلف سفيان بن عيينة وغيره يقولون إن من فسد من علمائنا ففيه شبه من اليهود ومن فسد من عبادنا ففيه شبه من النصارى. شيخ الإسلام تيمية a dit quoi dans Iqtida Sirat al-Mustaqim? Que la méfiance des Yahoud, leur origine provient du fait qu'ils n'ont pas appliqué leur science, qu'ils savent la vérité mais ne la suivent pas, ni en acte ni en parole. Et que la mécréance des Nasara, elle, c'est plutôt du côté des œuvres, sans science. Qu'ils s'efforcent à faire des actes n'étant pas bâtis sur la charia, sur la législation. Et ils disent sur Allah ce qu'ils ne savent pas. C'est pour cela que parmi les salafs, certains comme Sofiane ibn Uyayna et d'autres disaient que celui qui s'est corrompu parmi nos savants a une ressemblance au Yahoud. Et celui qui s'est corrompu parmi nos dévots, adorateurs, a une ressemblance au Nasara. كافك لله عز وجل اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Et guide-nous sur le chemin droit, le chemin de ceux dont tu as comblé de tes bienfaits, et non pas de ceux qui ont couru ta colère, ni des égarés. Qui sont ceux qui ont couru la colère? Al-Yahoud. Parce qu'ils n'ont pas appliqué leur science. Et ceux qui sont égarés? Nasara. Car ils ont appliqué sans science. Hazao. Donc là, c'est la base de ces gens-là, soit des savants corrompus, ou soit des suiveurs ignorants. C'est mélangé entre tout cela. Donc là, on va s'arrêter ici, Inch'Allah, et on conseille les gens, pour plus d'istifada, de retourner au durus, c'est-à-dire que ce livre, à la base, n'a pas été écrit pour ces gens-là. C'est juste une parenthèse que j'ai ouverte moi, étant liée à l'actualité, mais en réalité, ce livre, qui est Masail al-Jahili, est bien plus large que cela. Ça, ce n'est qu'un détail. Le sujet à la base vise les gens de la Jahiliya et principalement ceux qui le ressemblent parmi les gens de l'islam, qui font les mêmes erreurs qu'eux. فَنَكْتَفِي بِهَذَا وَنَسْأَلَ اللَّهِ يَحْفَظَنَا وَيُجَدِبَنَا الْفِتَنْ مَا ظَهْرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنْ وَسُبْحَانَكَ وَبِحَمْدِكَ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوبُ إِلَيْكَ.